بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nous sommes avec notre résumé du chapitre 2 de notre livre Fiqh al-Ad'iya wal-Azkar. Et c'est la continuité du chapitre 1. Min fawaid al-Dhikr, parmi les bénéfices du rappel. Et parmi ces bénéfices, ce qu'il apporte au cœur, le bonheur, le repos, l'apaisement. Allah dit: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Et qu'est-ce que veut dire wa tatma'innu al-qulub? Yazulu ma fiha min qalak aw ittirab. Donc Allah dit: ceux qui ont cru et qui ont les cœurs apaisés du rappel d'Allah, n'est-ce pas qu'avec le rappel d'Allah, les cœurs s'apaisent? Et que veut dire en vérité que les cœurs s'apaisent? C'est que donc le stress et l'angoisse disparaissent du cœur. Le stress et l'angoisse doivent disparaître du cœur pour que la personne fasse partie en vérité de ceux qui sont apaisés. Donc bien sûr, prendre la place du stress et de l'angoisse, le fait d'être heureux, le repos, l'apaisement. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a que le rappel d'Allah qui peut apaiser le cœur. Rien d'autre en dehors de cela. Rien d'autre à part cela. Et on sait bien que le rappel, c'est la vie du cœur. Réellement, c'est la réelle vie du cœur. C'est sa nourriture. C'est son âme. C'est pour ça que celui qui perd cela, qui perd ce rappel, en vérité, son cœur, son corps, et comme une âme sans vie. En réalité, son corps sera un corps sans vie. Car il n'y a de rappel en réalité, il n'y a de vie en réalité que par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit, rahmallah, le rappel pour le cœur est comme le poisson pour l'eau. Comment se retrouve le poisson lorsqu'il a quitté l'eau? Et aussi parmi les bénéfices du rappel, lorsqu'on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il fait en vérité donc quoi? Vivre. Donc où il fait, il donne en héritage le fait que tu mentionnes Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu vas mentionner Allah subhanahu wa ta'ala et Allah va te mentionner. Donc Allah te donne en récompense le fait de te mentionner toi aussi. Tu seras mentionné. Tu mentionnes, tu reçois. Allah dit: Fafkuruni afkurkum. Rappelez-moi et je me rappelle de vous. Dans Sourate al-Baqarah, verset 152. Et le verset qui est auparavant, c'est Sourate al-Ra'd, verset 28. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est hadith Qudsi, فيما يروي عن ربه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. Donc celui qui se souvient de moi dans son fort intérieur, je me souviens de lui en moi-même. Et celui qui se souvient de moi devant une assise, je me souviens de lui devant une assise qui est meilleure. Et parmi les bénéfices aussi, c'est qu'il efface les péchés, il les fait disparaître. Et il sauve celui qui se rappelle du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Musnad de l'imam Ahmed, et en plus il est authentifié par l'Albani, rahmallah, Mu'ad ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma amila أدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. Le fils d'Adam ne commet pas d'actes ou n'œuvre pas d'actes qui sera plus méritoire d'être sauvé contre le châtiment d'Allah que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le plus méritoire, le rappel d'Allah, pour que tu sois sauvé, au fils d'Adam. Parmi les bénéfices, c'est que la personne aura des récompenses qui sont en vérité plus énormes, plus grandes que n'importe quelle récompense vis-à-vis des autres actes. Naam. Pourquoi? Parce que déjà à l'origine, déjà c'est beaucoup plus facile de parler avec la langue. La langue, c'est-à-dire qu'on peut en vérité invoquer abondamment. Mais maintenant, on ne peut pas prier abondamment autant qu'on pourrait invoquer. On ne pourrait pas faire certaines œuvres autant qu'on ne pourrait invoquer, car le corps se fatigue. Se fatigue en vérité beaucoup plus facilement que la langue. La langue, elle peut très bien donc démarrer le matin et terminer le soir. Naam. Et en vérité, le reste des membres n'arrive pas à suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où Abu Huraira mentionne, donc de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Fi yawmin mi'ata marra kanat lahu addu 'ishri riqab. وكتبت له 100 حسنة ومحيت له 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. Donc il a dit صلى الله عليه وسلم, celui qui dit لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, 100 fois dans sa journée, c'est comme s'il avait libéré 10 esclaves, et lui sera écrit 100 hasana, et lui sera effacé 100 péchés. Et c'est une protection pour lui ce jour-là contre Shaitan jusqu'à ce que le soir vienne. Et personne ne pourra faire mieux que cela, sauf si une personne qui aura fait plus que cela, tout simplement. Et aussi toujours dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit سبحان الله وبحمده 100 fois par jour, lui sera effacé ses péchés, même s'ils étaient équivalents à l'écume de la mer. Et dans Sahih Muslim, où Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, si je dirais subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, est plus aimé auprès de moi que tout ce qui sera en dessous du lever du soleil, c'est-à-dire tout ce qu'il y a sur cette terre. Et il y a bien sûr énormément de hadith à ce sujet. Et parmi aussi les bénéfices du rappel, c'est que c'est un plan, une implantation au paradis. Et le paradis, il y a un hadith où le paradis, c'est Qiyan. Et elle est Tayyibat al-Turba. Donc en vérité, c'est une terre qui est aplanie, qui est prête à accepter, donc qui est prête à être cultivée comme il le faut. C'est une bonne terre, avec une eau qui est douce. Et quel est son plan en vérité, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Tirmidhi et authentifié par l'Albani, il dit: Laqaytu laylata usriya bi Ibrahima al-Khalil alayhi salatu wa sallam, faqala ya Muhammad aqri'u ummataka minni as-salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatun turba azbatul ma' وأنها قيان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam, j'ai rencontré Ibrahim alayhi salatu wa sallam lorsque donc ce fut l'ascension, c'est-à-dire la nuit de l'ascension. Il m'a dit: ô Muhammad, salut ta communauté de ma part. Salue ta communauté de ma part. Et annonce-leur que le paradis est une bonne terre, avec une eau douce, et que c'est une terre cultivable, plane. Et que son plan, son implantation est subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Et dans une autre version, où Ibrahim a.s. dit que grâce à al-Jannah, c'est aussi la hawla ou la quwwata illa billah. La hawla ou la quwwata illa billah. Naam. Et dans un autre hadith aussi, celui qui dit subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Hadith rapporté par Tirmidhi et il est bon. Hassan Sahih. Donc bon authentique. Donc celui qui dit subhanallah wa bihamdihi lui sera planté une nakhla, un palmier, hein, un dachier, où ça? Au paradis. Naam. Et dans une autre version, rapportée par l'imam Ahmed, celui qui dit subhanallah al-azim nabat lahu ghirsun fil jannah. Donc celui qui dit subhanallah al-azim. Donc là on voit qu'il y a donc énormément de rappels qui permettent en vérité d'avoir ses plans au paradis. Et parmi aussi les bénéfices, c'est que ce sera une lumière pour ceux qui se rappellent dans la vie d'ici-bas et dans sa tombe et aussi dans l'au-delà au moment où il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de cette rencontre. Et cette lumière, elle va bien sûr donc être propagée entre ses mains à la sirat, sur le pont. Et aucun cœur et aucune tombe ne pourra être éclairée comme elle sera éclairée avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va en réalité tout éclairer, qui va éclairer le plus possible. Naam. Et dans Sourate Al-An'am, verset 122, Allah dit: Aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alnahu nuran yamshi bihi min fi'n-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Est-ce que celui qui était mort, alors que nous l'avons fait vivre et nous lui avons donné une lumière, et qu'il marche avec cette lumière entre les gens, est comparable à celui qui est dans les ténèbres, il n'y sortira jamais? Donc ici, on retire de cela parmi les bénéfices, c'est que le croyant sera illuminé de quoi? De foi en Allah subhanahu wa ta'ala, d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a la foi, l'amour, la connaissance, et aussi quoi? Le fait de mentionner, et de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, on retrouve aussi que celui qui se distrait et délaisse le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc en vérité, donc il est mu'rid, il se détourne de son rappel et de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, la réussite ne sera la réussite dans cela, bien sûr, c'est dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de demander aussi énormément à Allah qu'on fasse partie de ceux qui ont cette lumière. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous ceux qui sont parmi ceux qui auront cette lumière. Et les hadiths qui rapportés par Muslim ou Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma rappellent la vocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit lorsqu'il dit Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basri nura وفي السمع نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. Voyez un peu. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam donc la nuit, c'était donc l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, mets dans mon cœur de la lumière, dans ma vue de la lumière, dans mon ouïe de la lumière, à ma droite de la lumière, à ma gauche de la lumière, au-dessus de moi de la lumière, en dessous de moi de la lumière, devant moi de la lumière, derrière moi de la lumière. Et augmente, amplifie-moi cette lumière. Naam. Et donc il a rencontrer donc celui qui a rappelé ce hadith, Kouraïb, parmi les rouat du hadith, dit que aussi ici Il dit donc, j'ai rencontré quelques enfants de la Abbas, et ils ont dit qu'ils disaient aussi, donc, même dans mes os, dans ma viande, dans mon sang, dans mes cheveux, hein, dans ma peau, et même donc dans mes parties. Imaginez-vous. Ils demandaient donc que la lumière soit en vérité partout dans ce corps. Lorsqu'ils ont rempli en vérité donc même les os, les cheveux, la peau, la viande, hein, donc cette chair, ce sang, et même les parties, subhanallah. Donc ils n'ont rien laissé. Et parmi aussi les bénéfices, et nous allons clôturer avec ce bénéfice pour le hadith, pour le chapitre numéro 2, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses anges, vont bien sûr prier sur toi. Donc une fois que tu as en vérité la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges sur toi, il n'y a pas meilleur que cela. Qu'ils vont te mentionner, qu'ils vont te pardonner la khélihi. Il n'y a pas meilleur en vérité que cela. Lorsqu'Allah dit, Ya yuhalladina amanu, uskurullah zikran kathira, wa sabbihuhu buklatan wa asila, hu alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu, li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuru. Il a nourri wa kana bil mu'minina rahima. Donc, ô ceux qui ont cru, invoquez Allah abondamment et glorifiez-le matin et soir. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Il est miséricordieux envers les croyants. On a terminé pour ce qui est du chapitre 2. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.